Ecclésiaste chapitre 10. Les mouches mortes font puer et bouillonner les parfums du parfumeur, et un peu de folie produit le même effet à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et pour sa gloire. Le sage a le cœur à sa droite, mais le fou a le cœur à sa gauche. Et même quand le fou se met en chemin, le sens lui manque, et il dit de chacun, il est fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne sors point de ta condition, car la douceur fait pardonner de grandes fautes. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du prince. C'est que la folie est mise au plus haut lieu, et que les riches sont assis en un lieu bas. J'ai vu les serviteurs à cheval, et les seigneurs aller à pied, comme des serviteurs. Celui qui creuse la fosse, y tombera, et celui qui coupe la haie, le serpent le mordra. Celui qui remue des pierres hors de leur place, en sera blessé, et celui qui fend du bois, en sera en danger. Si le fer est émoussé, et qu'on n'en ait point fourbi la lame, il surmontera même la force, mais la sagesse est une adresse excellente. Si le serpent mord sans faire du bruit, le médisant ne vaut pas mieux. Les paroles de la bouche du sage ne sont que grâce, mais les lèvres du fou le réduisent à néant. Le commencement des paroles de sa bouche est une folie, et les dernières paroles de sa bouche sont une mauvaise sottise. Or le fou entasse beaucoup de paroles, et toutefois l'homme ne sait point ce qui arrivera, et qui est-ce qui lui déclarera ce qui sera après lui? Le travail des fous ne fait que les fatiguer, et pas un d'eux ne sait trouver le chemin pour arriver à la ville. Malheur à toi, terre, quand ton roi est jeune, et quand tes gouverneurs mangent dès le matin. Que tu es heureuse, ô terre, quand ton roi est de race illustre, et que tes gouverneurs mangent quand il en est temps, pour leur réfection, et non par débauche. À cause des mains paresseuses, le plancher s'affaisse, et à cause des mains lâches, la maison a des gouttières. On apprête la viande pour se réjouir, et le vin réjouit les vivants, mais l'argent répond de tout. Ne dis point mal du roi, non pas même dans ta pensée, ne dis point aussi mal du riche dans la chambre où tu couches, car les oiseaux des cieux emporteraient la voix, et ceux qui volent emporteraient les nouvelles.